Chapitre 9e. Les amis. Quand Gaston sortit de l'hôtel, il était gris, gris pour avoir baisé les lèvres de la jeune femme. Adrienne avait encore moins conservé son sang-froid. Elle pensa se rendre immédiatement chez la baronne, bien qu'elle ne fût attendue qu'à 11 heures. Mais elle avait hâte de lui dire qu'elle était heureuse, que Gaston l'aimait. Le poète trouva son ami de Narsac chez lui. « Eh bien, mon cher, lui cria-t-il en entrant, Taouri s'est rendu à discrétion ?»« Je t'en prie, Narsac, répondit froidement Gaston. « Pas de ces qualifications, pas même un soupçon sur Adrienne. « Comme tu prends feu. Je n'ai rien dit qui pût t'offenser, ni toi, ni ta duchesse. Tu l'aimes, elle t'idolâtre, elle s'est rendue, quoi de plus simple ?»« Mon ami, Madame de Bussiardin n'est pas une femme comme une autre. « Et par Dieu, je le sais bien. Elle est fort jolie, distinguée, infiniment d'esprit, et c'est justement à cause de cela que je voudrais être du nombre des heureux. Mais que veux-tu dire? Qu'elle a eu des amants, c'est faux. Est-ce qu'elle t'aurait déjà fait perdre la raison? Cher, tu me fais de la peine. Un garçon d'esprit comme toi, croire à la vertu des femmes et à la vertu de celle-là en particulier, c'est renversant. Mais j'oubliais une chose, tu es poète, et tu vis dans le bleu. Je ne crois qu'une chose, c'est qu'on l'a calomniée. Et le vicomte de S, et le prince G, et le petit C tout court, on a menti. Adrienne n'a jamais été la maîtresse de personne. Elle n'est peut-être pas la femme de son mari, qui sait? Pauvre ami, tu prends plus de soin à défendre ta dulcinée qu'elle n'en a pris elle-même, car en vérité elle s'affichait assez. L'amour est aveugle, je t'excuse, mais toi, tu ne diras pas que tu n'es pas son amant. Je ne suis pas l'amant d'Adrienne. Elle n'a donc pas encore remplacé Monsieur de Chénois? Monsieur de Chénois, ce fat qui pose pour le Talleyrand? Justement celui que tu as trouvé aujourd'hui chez la duchesse. Comment? Tu sais que j'ai été rue de l'oratoire? Est-ce que je ne sais pas tout en ma qualité de chroniqueur? Je sais même que la duchesse soupe ce soir avec l'auditeur. Gaston était atterré. Peux-tu me le prouver? Demanda-t-il avec anxiété. Certainement. Si tu me promets d'être raisonnable. Trouve-toi donc à 10h30 rue du Helder, numéro 3. Chez Madame de Neyburg? Peu t'importe le nom. Peut-être verras-tu entrer de Chénois. Alors tu ne pourras plus douter. Mais alors il y aura un tiers puisque la baronnie sera. Et qu'importe un tiers, si c'est pour mieux cacher les apparences. Qui te dit après tout que l'auditeur ne retournera pas avec elle? Narsac, tu es mon ami. Tu sais que j'adore Adrienne. Je l'adore à la folie. Aujourd'hui même, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Je t'adjure donc de me dire si réellement elle a eu des amants, si elle me trompe, si enfin, au moment même où elle disait qu'elle m'aimait, elle mentait. Mon cher Derfurt, tu es trop poète en ce moment. Redeviens un peu journaliste, c'est-à-dire analyste. Jamais une femme n'a dit sincèrement à un homme qu'elle l'aimait. S'il en est une qui l'ait fait, c'est que la passion du moment, le désir, lui faisait prendre un caprice pour de l'amour. Crois-tu naïvement que Laure aimait Pétrarque et son mari? Laure était fière d'être adorée par un homme de cette taille-là, voilà tout. J'admets encore qu'en Allemagne, les femmes, grâce au climat, soient plongées dans des rêveries continuelles. Mais en France, à Paris, où la femme la plus charmante et la plus positive, où veux-tu chercher l'amour? La duchesse de Bussiardin est la plus fière de toutes les femmes. Courtisée, adulée par tous, elle n'aime que son caprice. Le plaisir est sa devise. Et encore, ne crois pas que ce soit le plaisir de l'amour, non. Elle raffole des plaisirs de parade, des plaisirs du clinquant. Elle voudrait voir à ses pieds prince, duc, pair, poète et chiffonnier. Si son rang ne la retenait, elle voudrait être princesse de la rampe. Les hommes à quelle classe qu'ils appartiennent sont des sachets d'odeurs qu'elle aspire tour à tour et qu'elle rejette quand le nerf olfactif n'en veut plus. Ce que je te dis est brutal, mais c'est la vérité. Tu m'as appelé ton ami, je veux te le prouver. Aime les femmes jusqu'à un certain point. Considère-les comme un bloc de marbre admirable de forme que la passion anime, mais qu'on repousse en pensant aux sculpteurs crasseux et difformes qui les a enfantés. Merci, murmura avec un soupir Gaston. Je ferai mon possible pour ne plus l'aimer. Je chercherai à la posséder, mais afin de la flétrir. Lorsque le journaliste fut parti, Gaston tomba dans un accès de marasme difficile à décrire. « Quelle désillusion » s'écria-t-il. Il se mit à rire, mais son rire était grimaçant. Les paroles de son ami avaient été pour lui la poignée de sable qu'on jette dans un vase d'eau limpide. Ses rêves insensés de bonheur étaient donc à jamais détruits. Le matin même, pour compléter son bonheur, il avait aperçu à travers une vitrine de libraire son nom. « J'aurai donc aussi ma place au soleil », s'était-il dit, et à l'heure présente, les grandes ombres descendaient des montagnes, et il soupirait non surgam. Vers 10 heures, Derfourt était rue du Helder. Un coupé s'arrêta, Adrienne en descendit. Elle n'aperçut pas son amant séparé d'elle par l'embrasure d'une porte. Elle était radieuse. Sans doute elle ne désirait plus rien. Le bonheur lui souriait dans toute sa plénitude. Le poète eut un instant l'idée de l'arrêter. Il l'eût fait que la duchesse fût retournée avec lui. Il n'osa point et demeura consterné. « Je ne puis pourtant pas ne pas l'aimer, » pensa-t-il en s'éloignant tristement. Au souper, la duchesse se trouva à côté de M. de Chénois. La baronne était à côté de Narsac. Ce qui était arrivé... En sortant de l'hôtel Bussiardin, la baronne avait écrit à M. de Chénois et à Narsac. Elle avait informé le dernier de l'amour étrange d'Adrienne pour le poète. « Je ne doute pas de votre esprit, » avait-elle dit en terminant, « pour faire rompre cette liaison insolite. Je vous invite à souper. La duchesse y sera, et mon protégé, je dis mon protégé, car vous, vous êtes plus que cela. » La lettre à l'auditeur ne contenait que ces mots. « Je donne ce soir un souper intime, la belle duchesse y sera. » Adrienne parut visiblement contrariée de ce tête-à-tête. Toutefois, la présence du journaliste la rassura. « Monsieur de Chénois a sacrifié son invitation aux Tuileries pour venir ce soir, » dit la baronne. Adrienne ne répondit pas. L'auditeur fut rempli de prévenances pour Madame de Bussiardin. Celle-ci fut d'une froideur parfaite. Narsac et la baronne, au contraire, parurent d'une intimité presque provocante. Après le souper, Madame de Neyburg prit le bras d'Adrienne. « Vous avez de l'humeur, » lui dit la baronne en minaudant. « Vous savez pourtant, chère belle, que c'est de fort mauvaise grâce en compagnie. »« J'ai fort mal à la tête, » répondit dédaigneusement la jeune amoureuse. « Il fait très chaud ici. » La baronne ne fit aucune attention à cette réponse. « Comment trouvez-vous, monsieur de Chénois ?» dit-elle. « Parfaitement insignifiant. Ce petit garçon d'Erfurt lui ferait-il tort ?»« En vérité, non. » car M. de Chénois n'a jamais eu grâce à mes yeux. « Je crois, ma toute belle, que vous vous défendez mal. L'aversion que vous manifestez pour lui est bien près de l'amour. Mais ce que je vous en dis, ce n'est pas pour vous blâmer. Il est charmant, et vous l'apprécierez plus tard. Vous savez que je suis votre sincère ami. Eh bien, en vérité, votre caprice pour ce petit feuilletoniste me faisait de la peine. M. Narsac m'a raconté à son sujet une anecdote assez plaisante. C'était dans un cercle de femmes du demi, car il n'en connaît guère d'autres. « Je croyais, » interrompit superbement Adrienne, « que M. d'Erfurt était venu chez vous. » Si en ce moment Gaston se fût présenté, Madame de Bussiardin eût été sa maîtresse. « Que ne ferait-on pas pour vous ? » Jolie grondeuse, mais chut, voici votre amant. « Jamais, » répondit fièrement Adrienne. M. de Chénois et le journaliste s'étaient approchés des deux femmes. Au moment où le diplomate allait demander le bras à Adrienne, celle-ci prit celui du journaliste. La baronne sortit avec son protégé. « Vos affaires vont mal, » dit Madame de Neyburg lorsqu'ils furent seuls. Cette petite folle s'est amourachée d'un individu sans nom, sans talent, de ce Derfurt qui hier est venu lui rendre visite. Tâchez de la reconduire cette nuit, et si ce petit homme de lettres vous gêne, nous ne pouvons pas dire comme le cardinal de Richelieu, nous le ferons disparaître. « Mais vous pourrez bien le mettre dans son lit pour un assez longtemps. La duchesse vaut bien qu'on descende en degré de l'échelle sociale. » De son côté, Adrienne questionnait Narsac sur Gaston. Le journaliste qui avait longtemps et infructueusement fait la cour à la femme du duc fut d'une rare politique. Il loua son rival. Il ajouta bien encore quelques restrictions, mais ces restrictions mêmes faisaient ressortir le bien qu'il en disait. Gaston était un homme incomplet qui n'arriverait pas. Toutefois, c'était un charmant garçon, rempli de jeunesse, qui n'avait pour tout défaut que de ne point avoir assez vécu. Stylé par la baronne pour annihiler cette passion, du moins dans le cœur de son ami, le résultat pour le poète était indifférent, il cherchait à faire ses affaires et à renouer une intrigue qu'il avait abandonnée. Adrienne fut joyeuse, elle trouvait qu'il parlait bien de son Gaston. Elle n'avait jamais beaucoup eu foi dans la baronne, mais à cette heure, elle voyait clairement qu'elle poursuivait un but méprisable et que désormais, toute liaison intime entre elles deux était impossible. Involontairement, elle pressa le bras du journaliste. La nuit s'avançait. Adrienne parla de se retirer. « Faites-moi donc la faveur, chère duchesse, de donner une petite place dans votre coupé à monsieur de Chénois, » dit la baronne. « Il demeure rue de Bourgogne. Il n'aura qu'un pas à faire. » Adrienne n'osa pas refuser. Un refus fait éclater la guerre des femmes. Elle craignait encore de rompre avec madame de Neuburg. « Madame la duchesse n'ayant pas répondu, » dit monsieur de Chénois, « je regarde son silence comme un assentiment. » L'auditeur suivit la duchesse et monta en face d'elle dans son coupé. Si Adrienne eût été moins à sa contrariété, elle eût remarqué se promenant de long en large vis-à-vis du numéro 3, un inconnu qui l'examinait et qui, au moment où les chevaux partirent, lança une imprécation. Gaston courut à toutes jambes rue de l'oratoire. Lorsqu'il arriva, tout était dans un calme parfait, pas une lumière qui indiqua âme vivante dans l'hôtel. Il redescendit vivement les Champs-Élysées, revint jusqu'à la grille de l'hôtel. Au premier étage, une lueur tamisée par un rideau de soie rose attira ses regards. C'était sans aucun doute la chambre de celle qu'il aimait.